Bonjour. Je voudrais dire en exergue une phrase de Rostand qui disait « L'obligation de subir nous donne le droit de savoir ». Comment j'en suis arrivée là? Parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Donc moi, j'étais comme tout le monde. En fait, j'ai été dans la musique, j'ai écrit des chansons pendant des années, principalement aux États-Unis pour plein d'artistes très connus. Et puis, au moment de la grippe H1N1, j'ai trouvé que là, vraiment, ils accumulaient, qu'il y avait trop de non-sens. Je voyais bien qu'il y avait des scandales dans la santé et tout, mais bon, après, je revenais en studio faire mes petites musiques et voilà. Que les médias rabâchaient des dépêches qui étaient souvent contradictoires ou qui ne voulaient rien dire, mais vraiment sans aucun problème et sans se poser de questions. Et puis, un jour, je me suis fait vacciner. J'ai fait vacciner des gens de ma famille contre l'hépatite B parce que je suis rentrée en France et il y avait une énorme campagne sur l'hépatite B. Je me suis dit, moi, je vais être une bonne mère et voilà, je vais faire ce qu'il faut. Et après, je me suis rendu compte que quand je suis revenue aux États-Unis, quelques temps après, je me suis rendu compte que il y avait des class action et que les gens se regroupaient et qu'il y avait des tas de problèmes avec ce vaccin. Et donc, effectivement, j'ai prié très fort que je sois pas la cause de maladies ou de choses terribles dans ma famille. J'ai eu très peur et j'ai beaucoup culpabilisé. Ça s'est plutôt pas mal passé pour nous, mais en tout cas, j'étais dans une colère noire. Donc je m'étais dit qu'on m'y reprendrait plus. Donc j'ai commencé à enquêter sur le H1N1. Et là, j'ai découvert des trucs absolument ahurissants que personne ne disait. Tellement ahurissants que j'ai fini par douter de mes capacités à comprendre. Et je me suis juré ce jour-là, je me suis dit, comment on peut être aussi bête si ils me disent quelque chose et je cours le faire. J'ai pensé que je devenais stupide et que j'avais peut-être pas tout compris. J'ai dit, plus jamais je n'écouterai ce qu'ils disent et je me ferai ma propre idée avant de savoir ce que je dois faire ou pas. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est de repérer les experts qui me paraissaient au-delà de tout soupçon et de leur demander de me recevoir pour leur poser entre quatre yeux les questions que je me posais, à savoir est-ce que j'étais folle ou est-ce que c'était vraiment ce qui se passait. Et ces gens-là m'ont dit, non seulement confirmé, mais m'ont donné des informations qui laissaient présager que c'était vraiment pire que ça. Donc quand il y a eu quand ils ont commencé leur campagne sur le H1N1, je suis allée regarder pour moi et ma famille ce qu'il fallait faire. On ne sait pas comment ça a été possible. Enfin moi, la question que je me posais, c'est comment ils sont arrivés à nous faire, à nous mener en bateau comme ça et comment ça a été possible. Et là, je suis tombée sur des trucs que j'aurais jamais imaginé que ça puisse exister, des conflits d'intérêts, des trucs Baxter qui avait déposé le brevet du vaccin un an avant, des trucs hallucinants, le fait qu'ils aient voté l'impunité des labos pour au cas où il y aurait des effets secondaires, enfin bref. Toujours avec le même plan, c'est-à-dire au départ on nous dit tel médicament c'est génial. Quand ça commence à chauffer un petit peu, ils nous disent oui, d'accord, mais il n'y a aucune preuve qu'il y ait une relation de cause à effet. Et puis quand ça va très très mal, ils nous disent oups, dans l'état des connaissances de l'époque, on ne pouvait pas savoir que c'était dangereux. Et après, j'ai trouvé des trucs tellement horribles que je me suis dit, mais est-ce que c'est uniquement avec ce vaccin? Je suis allée voir des experts qui me paraissaient honnêtes aux États-Unis et ici. Et puis après, j'ai regardé si ça s'était passé comme ça avant dans l'histoire, si c'était que pour ce vaccin-là ou pour d'autres. Et plus je tirais le fil d'Ariane, et plus je trouvais des trucs monstrueux. Et donc voilà, donc j'ai décidé d'en faire un livre. Après, je me suis intéressée à la nourriture et ainsi de suite. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Maintenant, je suppose que comme moi, le peu que j'ai discuté avec vous avant d'entrer, je pense que vous êtes tous plus ou moins conscients quand même de ce qui se passe et que souvent on s'est dit il se passe des choses anormales et puis après on revient à sa petite vie, à son métier, à ses enfants et on oublie.